Allez, on va finir. Allez, hop, petit dernier. Et c'est Tout le monde est là ? Il y a du monde ? Ah, ça va, salut tout le monde. Bon, j'arrive. Je me mets en plus, j'arrive, on est pour 3 secondes. Vous allez voir la vitesse. Alors, je peux pas me foutre à poil si on va me censurer. Mais c'est dommage, j'arrive. Est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain ? On fait le gros cibule, on joue au sous-marin. Est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain ? On chante sous la mousse pour les voisins. J'ai ma brosse à poils dure. Ça va la Zaza Family ? Tout le monde est là ? Bon, on y va ! C'était pas mal ! Ça va les familles ? Allez, here we go ! Ah, on était bien, hein ? Putain ! Qu'est-ce que j'étais bien dans mon bain ? Venu bien ! Il y en a partout dans la salle de bain ! Welcome à vous la familia ! Si vous voulez arriver, on est en direct ! En direct de ma baignoire, hein ! Et le final, bah, j'y retournerai pour finir. J'irai plonger dans la baignoire. Ne bougez pas. Putain, je vais faire une bombe après. Il y en a partout. Ne vous inquiétez pas, ça reste rien. Tout le monde. Il y a les enfants. Ah putain, fallait pas louper le début, hein. Ah, il fallait pas louper le début, hein, dans la baignoire. Alors, loupez pas la fin parce qu'il y a un mini moins de quart sur l'eau, là. Ok? Qu'est-ce qu'on est bien avec vous? Qu'est-ce qu'on a fait du bien? Wouh! Allez, on se souvient! Dans une filière, Foplanche! Dans une filière, Foplanche! Eh ouais! Alors, c'était des techniques quand même pour vous installer! Des petites origines! Hein. Salut les pompiers! Sinon on est censuré. En tout cas, il y a de la vidéo au début, hein. Bougez pas, hein. Ah ouais, non, faut pas déconner. Que des souvenirs, à l'ancienne. Allez, on y va. Midi pour le tiers, je fais une bombe, hein. Restez là, hein. Thank you. vais éponger après. C'est clair, Steph. Salut, Steph. Emmène-moi. Ah. Allez, c'est pour se barrer, là. Finis-moi le quart, c'est la bombe. Je plonge, hein. Et ouais, je suis arrivé dans la baignoire, je repars dans la baignoire. Salut la Zaza Family. Que des souvenirs là, jusqu'à midi moins le quart. Et après, je plonge. Je veux des cœurs, s'il vous plaît. Ouais, je t'emmène, Virginie. Ah, j'ai des dédicaces, on dit, j'ai plein de trucs à... Ouais. Salut Bubu, salut Fred. Je plonge à midi moins le quart, reste là, hein. On est là. Ceux qui ont raté le départ, bah vous avez loupé, hein. C'est dans la baignoire. Et bougez pas, à midi moins le quart, je retourne. Une régie là. Voilà. Ouais, je suis en forme. Allez, je vais des cœurs et le plongeon à midi moins le quart dans 25 minutes. Je vais voir si c'est assez d'eau quand même. Ouais, c'est bon. Je veux les titres qu'on me demande le plus, il y a Bruel qui arrive la reprise de Latino qu'on m'a demandé plein de fois. Salut la famille. Je veux des pouces pour le plongeon, est-ce que vous voulez de plongeon à moins le quart? Allez les zinzins. Si les voisins déboulent, les flingues, les mecs. Il y en a partout dans la salle d'abord. Je m'en fous, je déménage. Allez, faites du bruit, on est à Orléans ce soir. Allez, les bras, les bras, les bras. Ouais, on va voir comment on va dire. Salut Aurélie, salut Céline. Est-ce que vous êtes prêts pour le plongeon dans 15 minutes? Tout le monde est prêt pour le plongeon dans 15 minutes? On est prêts? Allez, on m'a demandé la reprise de Brouelle plein de fois. Elle arrive. Je te le dis quand même. J'ai tout branché chez la voisine. Allez les arbres, hein. Vous n'êtes pas la bonne plaisir avec nous là. Pas la famille. Et celui-là, vous êtes nombreux, nombreux à le demander. Vous êtes nombreux. C'est pour Séverine, c'est pour Laurent, c'est pour la famille. Zaza. Hey. Rodrigo Ace, mon poteau. C'est pas mal ça. Bien ce matin. Allez, on se réveille. Rodrigo Hayes, mon pote de Paris, ça. C'est le titre que vous adorez, ça. Comme des convents. Ok, je vois, Rose. T'en bats. Comme ça, comme des cons. Merci pour tout le mal qu'on sait pas dire. Allez, faites des photos, là, on va se parler. Certains rigolent déjà. Je m'en fous, je les aimais pas. On avait l'air trop bien. Y'en a qui supportent pas. Allez, on est là. Allez. C'est un mini pouf, une bombe. Un plouf, on va voir. Tu vas improviser. Des cons. Merci. Pour tout le mal qu'on sait. C'est un mini pouf, une bombe. Un plouf, on va voir. Tu vas improviser. T'as arrêté l'eau, ça va déborder. Voilà. On va dire. Et là, on part. C'est pas évident de mixer à genoux. Hein. J'ai à genoux là. Salut Mathieu, salut Séverine, salut Isabelle. Ça va les bazar? Allez. Allez, 9 minutes le plongeon. C'est pas Antoine? Eh, faites le plongeon, la photo, hein. Je sais pas comment je vais faire, je vais improviser. J'ai un pété. Préparez-vous. Dans 9 minutes. Oh, c'est pour se marrer, là. Salut François, salut Fred. C'est énorme, c'est la même époque. Non, t'inquiète pas. Je me prends ta gueule d'avoir rigolé. En direct, ça a été lourd. Chez la voisine. Attention, attention. On y va. Go, go, go, go, go, go. Oh, les souvenirs. Ah, c'est bon ça. On vous passe dans rien. Je plonge. Préparez-vous. 7, 7, 7, 7. Alerte coronavirus. Ah, ça rappelle le boombox à Candy, hein. Ah, c'était ça à l'époque, hein, le boombox. Ça va les enfants? Ça fait plaisir de vous voir, avant le plongeon. Bon, allez, ça va aller. Protégez les autres, restez chez vous. Au personnel médical et à tous les... Ça c'est pour Sébastien du 41. Tout le travail. Version 2020. Pour le personnel médical, des cœurs. Et 5 minutes, seul plongeon. Ah, c'est bon ça. Préparez-vous. 5 minutes! Du coste et d'un verre, mais tout Paris est désert. Ils sont tous à la maison, moi aussi. J'ai l'air d'un con! Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Pharmacie, rue de Grenelle, je demande un masque et du gel. Mais on vit dans quelle époque? Parce qu'il y a l'art de sur le sens! Ah ouais, les filles, attends! Celles qui sont plus épiques comme la quête. Est-ce que tout le monde est prêt pour le plongeon? Devant Bichat, la folie, ils prennent que les VIP. Moi j'arrive sous mon rempart, on me dit non, tu repars. En merde, je suis Francky Radio. J'appelle Amazon, une blondasse au téléphone me dit. Wouh, on est prêts? J'ai plus de PQ pour livrer, elle m'énerve. Mon Dieu, qu'elle m'énerve. Well, like a party, oh, j'ai bien combien. J'ai vu une chauve-souris milliardaire. J'ai dit Batman, vous foutez tout en l'air. Puis j'ai croisé Macron dans les vestiaires. Il m'a dit, êtes-vous tranquille chez toi? Nous sommes en guerre. Toutes celles qui ont chopé le cul de Kardashian. Qui peuvent plus s'asseoir. Ça va les enfants, ça va? Le plongeon, le plongeon. Préparez-vous. Celles qui boivent du champagne rosé, pour oublier le confinement qui va durer. Eh, ça va être l'heure. Ça m'énerve tous ces gens qui font la queue devant le Franprix. Tout ça pour des panzani. Mais bon, en 5 minutes c'est cuit. Tous ceux qui venaient au boombox à l'époque, allez, Candy! Allez, les zinzins, 3 minutes et seul plongeon! Alors. Allez, prêt? 3 minutes et on plonge! Alors, je vais plonger sur quoi? Quelle ambiance ce matin, avec des risques quand même. Allez, viens là. Voilà. Voilà. J'aimerais que tout le monde écrive le plongeon, le plongeon, le plongeon. Ça va être l'heure. Allez, tout le monde écrit le plongeon, le plongeon, le plongeon. Ça va l'écrire. Voilà, ce qu'on est bien. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce petit délire. Je coupe un petit peu avant parce que bon, j'ai fait un peu de dégâts dans la salle de bain, il y a de l'eau partout. Franchement, en tout cas, merci à vous, on a bien on a bien déliré. Et puis j'espère vous revoir demain matin. Hein. Bon, demain matin, ça c'est cool hein. Enfin, cool si on veut hein. Et je prépare un petit délire encore hein. Si vous avez des idées de délire, eh bien allez-y, n'hésitez pas à me les partager. En tout cas, merci à vous d'être là et restez chez vous, c'est important. Je vais me sécher, je vais ranger la salle demain parce qu'il y a de l'eau partout. Ça se trouve, la voisine, elle va débouler. Il y a un mètre d'eau chez moi. Merci à vous, la famille. Je vous aime très fort. Je vous embrasse et big up à vous. Bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous. Mmh.